Bélier, soyez moins exigeant à l'égard de vos subordonnés. Vous avez tendance à déclarer la guerre à ceux qui ne suivent pas vos ordres. Taureau, laissez vos armes au vestiaire pour signer un armistice. Gémeaux, si votre état de fatigue perdure, faites un check-up santé. Cancer, harmonisez vos rythmes de vie et régulez votre sommeil. Vous avez besoin de recharger vos batteries. Lion, Vénus protège vos amours. Profitez-en sans attendre en programmant un tête-à-tête avec votre partenaire. Vierge, comme vous êtes perfectionniste, vous voulez contrôler la situation dans les moindres détails. Balance, votre conscience professionnelle vous honore. Vous vous êtes fixé un but que vous voulez atteindre coûte que coûte. Scorpion, vous avez de l'énergie à revendre. Vous accélérez le rythme pour réaliser vos projets au plus vite. Sagittaire, Mercure vous soutient, alors soyez à l'affût de toutes les propositions. Capricorne, vous avez le vent en poupe, ne ratez pas le coche, vous le regretteriez. Verseau, quelle vitalité! Ne dépassez pas les limites qui vous sont imparties tout de même. Poisson, vous êtes débordé, vous faites des heures supplémentaires pour rattraper votre retard.